passé s'éveille quand je pense aux folies des jours où nos amours comblaient mon existence. Malgré les années, j'ai préservé dans mon cœur quoi qu'il fasse, comme un coin secret où nul jamais n'a pris votre place. Monde de mes 20 ans, mais ni le montant c'est loin, mais c'est si proche, ces instants si doux qui laissent un goût aux lèvres d'un gavroche, comme un goût salé qui fait rêver et de vous me rapproche. Joli môme d'un mon quartier, homme de mon quartier, que j'ai serré dans mes bras plein d'ivresse. Vous m'avez grisé et j'ai gardé en moi votre jeunesse. Les jours ont coulé sans déflorer de mon cœur et mon âme les souvenirs purs des aventures qu'on ne vit qu'à Paname. Môme de mes amours, de ces beaux jours, de ma tendre bohème, vous avez semé et de quartier grâce à vous, et de même tout parle à mon cœur, et plein d'ardeur, je sais que je vous aime, joli môme.